Chapitre troisième, pour le compte d'une autre. Madame Liebeau se doutait si peu du secret sentiment caché au fond, très au fond de ce romanesque projet, que sa première action le lendemain fut d'en écrire longuement à son mari. Elle lui envoyait ainsi chaque jour une chronique de sa vie aux eaux et de la santé de leur fille. Ce matin encore, elle vit en pensée le médecin recevant cette lettre au moment de sortir. Il l'ouvrirait dans le coupé de l'urbaine à deux chevaux qui le menaient à son hôpital. Liebeau était attaché au service de la pitié. De là, il courait à travers Paris de visite en visite. Ces quatre pages d'une fine écriture seraient lues entre deux séances de douleur. Elles seraient le viatique quotidien, la petite joie de cet homme excellent, que Madeleine croyait aimer, qu'elle aimait réellement, mais d'une de ces affections dont l'accoutumance a fait une simple amitié. L'honnête femme sourit à cette image qui lui représentait le compagnon de sa vie, dans l'exercice de son accablant métier. Cette physionomie du praticien, déjà usée à 43 ans par l'excès du travail et l'absence totale d'exercice physique, n'avait rien de commun avec celle de l'officier d'Afrique, empreinte elle aussi d'une précoce lassitude. Seulement les fatigues de l'explorateur évoquaient le mystère du désert, les dangers affrontés dans un lointain décor de larges fleuves, de palmiers gigantesques, de sauvages et vierges étendues. La poésie de la mort bravait froidement paraît ce visage tourmenté d'un mal attrait que n'avait pas le masque bourgeois du docteur, dont les paupières s'étaient ridées et clignées sur des livres de pathologie, les tempes dégarnies à méditer des ordonnances, les épaules voûtées à se pencher sur des poitrines pour les ausculter. Contraste uniquement extérieur. À la réflexion, tous les dévouements se valent, et celui d'un père de famille qui peine courageusement pour les siens n'est pas d'une autre essence que le sacrifice d'un soldat. Madeleine avait l'âme assez saine pour comprendre cette grandeur des humbles vertus, qui n'est méconnue que des cœurs vulgaires. Mais si raisonnable qu'elle fût, elle gardait dans un arrière-pli de son être cette graine de fantaisie féminine qui s'épanouit en floraison dangereuse sous le prestige des aventures exceptionnelles et des personnalités frappantes. Rien de plus imprudent que le jeu à quoi elle se préparait. Cet effort pour attirer l'attention d'un homme qui, dès la première rencontre, l'intéressait un peu trop. Elle en avait une préconscience, si l'on peut dire, puisqu'elle s'était déjà donné cette justification anticipée. Si je veux qu'il me remarque, c'est afin de substituer plus tard ma sœur à moi-même et qu'un goût léger pour moi devienne un sentiment sérieux pour elle. Sophisme d'une sensibilité à demi ignorante d'elle-même. Il faut toujours en revenir au proverbe dont le plus passionné des poètes, et qui a payé cher son expérience, a fait le titre de son chef-d'œuvre « On ne badine pas avec l'amour ». Madeleine eût répondu, si on l'eût interrogée, quand elle sortit de sa maison vers 11 heures, sa lettre dans la main, avec sa petite fille, qu'il ne s'agissait d'amour ni peu ni prou, encore moins d'un badinage, et elle eût été d'une absolue bonne foi. Une chance s'offrait, cette chance longtemps et vainement cherchée de refaire l'avenir d'Agathe. Et la sœur cadette n'eût pas admis une seconde qu'une autre cause lui donna la vague émotion dont elle était saisie en s'acheminant vers l'hôtel et se posant cette question. Monsieur Brissonnet est-il parti? Est-il resté? Je le saurai tout à l'heure. C'est le moment où Favel fait sa promenade après son bain et avant son déjeuner. Il sera allé se renseigner, aussitôt sorti. Justement, le voilà. Et les voilà. Madeleine Liebeau avait suivi d'instinct, et comme sans y penser, pour gagner l'hôtel et sa boîte aux lettres, un chemin un peu détourné qui rejoignait l'allée du parc, où le beau du Second Empire étalait volontiers ses élégances de 11 heures. Il était là, chaussé des plus fins souliers jaunes, guêtré de coutil clair dans un complet de flanelle rayée, d'une coupe à lui, qui trouvait le moyen d'antidater, si l'on peut dire, par sa forme, cette toute moderne étoffe. Une fleur s'ouvrait à sa boutonnière, cachant à moitié le mince ruban rouge militairement porté. Le chapeau de paille posé sur le coin de la tête, le cheveu astiqué, vernissé, laqué, le baron fumait, en dépit de toutes les lois de l'hygiène, son deuxième cigare de la journée. Dans l'orbite de son œil s'enchâssait un monocle d'écaille dont la certissure spéciale et le large ruban moiré faisaient une prétention. Hélas, un presbytisme croissant faisait une nécessité. Ce vieil enfant de près de 3/4 siècle dressait son torse, tendait son jarret. Il dominait de ses épaules le grêle et les maladifs héros, tout nerf et toute énergie morale qu'était Brissonnet. Le commandant, pauvrement vêtu d'un pardessus de drap sombre visiblement acheté dans un magasin de confection, coiffé d'un chapeau melon vaguement roussi au bord, les pieds pris dans des bottines à lacets dont les cassures ignoraient les coquetteries de l'embauchoir, eût fait triste mine à côté du seigneur qui le promenait sous les arbres du parc dans la jolie clarté de cette matinée, n'eût été l'air d'aristocratie comme naturellement répandu sur lui. Son regard, qui vous poursuivait d'une obsession quand vous l'aviez une fois croisé, l'éclairait tout entier. Madame Liébeau n'eut pas plus tôt rencontré de nouveau ses yeux d'une si extraordinaire puissance d'expression qu'elle éprouva, comme la veille, un intime sursaut d'obscure timidité. Elle regretta presque d'avoir pris ce chemin. Ses doigts nerveux caressèrent, pourquoi ? Était-ce contenance, était-ce appréhension d'un danger ? Les boucles de sa fille qui leva son joli visage avec un sourire pour lui dire « Maman, voici Monsieur Favel avec un autre monsieur. Comme il a l'air malade, celui-là, et comme ses yeux brillent. C'est sans doute un voyageur qui aura pris les fièvres dans des climats tropicaux, » répondit la mère. Elle avait à peine achevé cette phrase, toute vague et où sa fillette ne pouvait pas deviner qu'elle connaissait parfaitement l'énigmatique personnage. Déjà, les deux hommes débouchaient de l'allée, le baron rutilant de l'orgueil d'un cornac qui produit son éléphant, et le cornaquet, tout nerveux, tout contracté, aussi passionnément désireux d'être ailleurs, que la jeune femme à qui le présentateur disait « Eh bien, cher ami, le commandant Brissonnet n'est pas parti. Vous regrettiez son départ, je l'ai retenu et je vous l'amène. » Quand un jeune homme et une jeune femme qui gardent, entre deux, sans se connaître encore, le petit mystère d'un secret, même le plus innocent, sont confrontés de la sorte et avec aussi peu de préparation, les premiers mots prononcés par l'un et par l'autre revêtent une signification décisive. La voix, la simple voix de quelqu'un dont on a remarqué la physionomie, accroît ou détruit d'un coup un intérêt naissant. Un geste y suffit, une attitude trop ou trop peu d'aisance. Que Brissonnet eût seulement une allure ou très assurée ou très empruntée, qu'il eût émis d'un timbre déplaisant quelques phrases ou prétentieuses ou banales, et le fragile échafaudage de l'édifice sentimental construit en imagination par la cadette pour y abriter le futur bonheur de son aîné, s'écroulait. Ce fut le contraire qui arriva. Aussitôt que Favel eut proféré cette formule de présentation trop clairement dénonciatrice de l'entretien de la veille, Madeleine se sentit rougir. Elle vit que la brusquerie soulignée de cette phrase ne gênait pas moins Brissonnet. Ses paupières avaient battu sur ses yeux, l'éclair d'un instant, assez pour dénoncer chez cet officier qui avait fait la guerre, et dans quelles conditions, une susceptibilité de délicatesse égale à celle de Madame Liébeau. Celui-ci lui sut tout de suite un gris infini de cet accord, et elle éprouva le besoin de marquer sa sympathie au héros intimidé. L'indiscrétion de Favel lui en fournissait le prétexte. Elle répondit donc « C'est vrai, j'aurais été bien au regret, comme toute vraie Française, d'avoir passé aussi près d'un des compagnons du colonel Marchand, sans lui avoir dit combien tous les miens et moi-même avons admiré le courage des soldats de Fashoda, et aussi combien nous les avons plaints. » Le commandant l'avait regardée, tandis qu'elle parlait, sans timidité cette fois. Elle put lire dans ses prunelles sombres une reconnaissance et une pudeur. Pareil sur ce point à son noble chef, Brissonnet n'aimait guère à parader dans la tristesse de sa vie actuelle avec les fortes actions de sa vie passée. D'ordinaire, on était sûr de le mécontenter en l'interrogeant sur le cruel épisode auquel s'associe le nom du village africain que les Anglais viennent de débaptiser, par respect pour la poignée de braves, ramassée là devant le Sirdar victorieux. Il devina qu'aucune curiosité mesquine ne se dissimulait derrière ces quelques mots de Madame Liébeau et qu'ils exprimaient un sentiment sincère. Il répondit avec une simplicité pareille, d'une voix qui avait un charme très particulier. Elle était très mâle et très douce, extrêmement ferme dans les notes hautes et caressante dans les notes profondes. « Ce n'est pas là-bas que nous avons été à plaindre, madame. C'est depuis. Bien moins que ceux qui ont fait perdre au pays le fruit de notre effort. » Mais il avait trop l'orgueil de ses sentiments pour s'abandonner à sa plus intime douleur devant une inconnue, si sympathique lui fût-elle. Il eut l'horreur de se prêter sur un pareil sujet, un échange de propos superficiel. Il détourna donc la conversation. D'ailleurs, le passé est le passé. Continua-t-il. L'existence du militaire tient toute dans le verbe servir. Il n'a rien à reprocher à la destinée du moment qu'il peut le conjuguer dans ses trois temps. J'ai servi, je sers, je servirai. Monsieur Favel prétend que les eaux de Ragatz me mettront en état de dire ce futur sans mensonge. J'avoue que je ne l'espérais guère en venant ici, que je l'espère moins encore. Répétez-lui, cher ami, dit le vieux beau à la jeune femme, qu'il ait un peu de patience, et quel miracle ces bains ont accompli sur Charlotte, n'est-ce pas, mademoiselle ? Continua-t-il en s'adressant maintenant à l'enfant qui, tout effarouché d'être interrogé ainsi, fit tourner, au lieu de répondre, une corde à sauter qu'elle tenait à la main, et elle se prit à courir avec dans l'allée. « Certes, fit la mère, elle n'aurait pas sauté comme cela il y a 6 semaines. Et moi, je n'aurais pas pris un contre de cartes avec ce doigté, insista Favel, et de sa canne il esquissa un mouvement de fleuret. L'homme du Second Empire avait été naturellement dans sa jeunesse un de ces friands de la lame, comme il y en eut tant aux environs de 1865. Une grimace de souffrance contracta son visage tandis qu'il étendait de nouveau son bras en tournant son poignet raidi et remuant ses doigts noueux. Il exécuta pourtant plusieurs mouvements, puis appuya son bâton à terre en disant un « Voilà, après 17 bains !» triomphal, qui plissa dans un demi-sourire les fines lèvres de Madeleine. Un sourire semblable passa sur le visage d'habitude si tragique du commandant. C'était le signe qu'avec un peu de bonheur et de paix, une enfantine gaieté renaîtrait vite dans cet homme sur lequel pesait trop d'années, d'une trop ardente et trop pénible tension. Le vaniteux baron était si fier de ne plus cheminer, courbé et traînant la patte, qu'il ne remarqua pas ce double sourire, et tous les trois s'engagèrent dans l'allée où la petite gambadait toujours en fouettant de sa corde le gros sable bleu pris au lit du Rhin. Madame Liébeau et Brissonnet se taisaient ou presque, et Favel s'épanchait en souvenir. Malgré son constant souci d'être à la mode, le besoin de compter faisait sans cesse de lui le classique vieillard de la légende, Laudator temporis acti. Son geste d'escrimeur lui avait rappelé les brodeurs de sa jeunesse et les belles séances de terrain au sortir de la Maison d'Or et du Café Anglais. Les aventures aujourd'hui oubliées d'aimables compagnons qui furent de charmants causeurs et des gloires de salles d'armes revenaient dans son discours. Celles d'Alfonso de Aldama, de Georges Brincan, de Saucède. Madeleine écoutait d'une oreille distraite ces noms qui ne lui représentaient même pas des fantômes, et ceux qui les portaient ont été des vivants, si vivants. À la dérobée, elle étudiait l'officier d'Afrique, retombée à cette habituelle méditation qui semblait le transporter bien loin, là-bas, au pays du ciel torride, de la forêt primitive et du danger. Il n'avait pas fait 200 pas de la sorte, soudain, et sans que rien eût pu faire prévoir cette résolution, le commandant prit congé avec une telle brusquerie que Favel lui-même en demeura décontenancé. « On vous verra cet après-midi » demanda-t-il. « Mais qui vous presse ?» Et comme Brissonnet s'éloignait après une réponse aussi évasive que légère, « Il a de ces accès de sauvagerie, » dit le baron, « qu'il faut lui pardonner. Je ne serais pas étonné que le soleil du Congo lui eût frappé la tête. Soyez indulgente pour lui, Madame Madeleine. Il n'a pas causé ce matin. Bast, vous le reverrez. On ne peut pas se manquer les uns les autres dans cette cuvette qu'est Ragatz. Je crois m'apercevoir qu'il vous a déçu. Je lui ferai prendre sa revanche. » La psychologie de l'ancien sous-préfet avait sans doute été plus pénétrante quand il travaillait pour son propre compte, sans quoi il n'eût assurément pas mérité la note flatteuse trouvée dans l'armoire secrète des Tuileries. Ce départ subit du commandant était précisément le contraire de cette maladresse déplorée par le présentateur. Durant les toutes premières minutes, le plaisir de trouver l'énigmatique personnage de la gare et du restaurant si pareil à son imagination avait enhardi la timide Madeleine. Mais déjà, elle commençait à se reprocher une familiarité trop hâtive avec un nouveau venu qui pouvait la mal juger. Cette fuite inopinée calma aussitôt ce léger frisson de scrupule. Elle recommença de se livrer aux songes caressés la veille et le matin, d'autant plus librement qu'après sa lettre si franche à son mari, elle ne gardait aucune arrière-pensée. Comment l'idée lui fut-elle venue qu'un sentiment personnel se mélangea à un dessein si désintéressé? Un mariage aménagé peut-être entre l'officier glorieux et malheureux d'une part, et de l'autre sa sœur malheureuse elle aussi, dans sa richesse et avec son nom. Un seul point troublait la conscience de la prudente bourgeoise qu'elle restait, même dans son romanesque. Elle ne savait de Brissonnet que ses actions d'éclat. Elle ignorait toute sa famille. Quand le soir, elle se retrouva de nouveau avec Favel après dîner, elle employa des ruses de diplomate à l'interroger sur les origines du commandant, sans avoir l'air de s'y intéresser. C'est là le malheur, répondit Favel. Il vient d'en bas. Il a brûlé l'étape, comme on dit. Ses parents étaient des cultivateurs près de Périgueux. Ils ont fait de gros sacrifices pour l'élever. Je rends à Brissonnet cette justice, il n'en rougit point. Il vous raconterait lui-même, s'il vous connaissait mieux, le dévouement de ce père et de cette mère, qu'il a perdu. Voyez quelle épreuve, pendant qu'il était en Afrique. Pourtant, cette humble origine se sent à des nuances. Ainsi, la façon dont il nous a quittés ce matin. Ah, si je pouvais en faire un homme du monde, avec sa tournure, s'il arrivait simplement à comprendre quelle force c'est de se mettre en habit tous les soirs. Quand l'ancien sous-préfet prononçait de ces formules, le sérieux de son rouge et important visage d'ex-viveur et d'ex-fonctionnaire était vraiment impayable. Il ferait le mariage qui lui plairait d'autant plus qu'il n'a pas de mauvaises manières. Il a des façons dignes dans leur maladresse. Ça, c'est le soldat. Il est pauvrement mis, mais soigné sur lui. Ce qui lui manque, ajouta le vieux beau avec un clignement d'yeux où reparaissait l'homme de l'odeur di feminita, ce qui lui manque, c'est d'avoir intéressé une femme comme il faut. Puis, voyant les jolis sourcils de Madame Liébeau se froncer à cette phrase, qui ressemblait fort à une insinuation, « Vous me trouvez très immoral, » insista-t-il. « Mais cet intérêt pourrait être innocent, en tout rien à tout honneur. » Il rit gaiement de son médiocre à peu près, en ajustant son monocle avec la plus comique fatuité. C'était là un autre trait de son caractère et très logique. Il adorait étonner les jeunes femmes dont il s'occupait, comme de Madame Liébeau, en sigisbé, désintéressé et sincèrement dévoué, par ses sous-entendus de demi-cynisme. Ne supposait-il pas une longue expérience de haute galanterie? Madeleine lui savait ce ridicule. D'habitude, elle n'y prenait pas plus garde qu'aux élégants surannées dont il paraît sa décadence. Son optimisme délicat, que sa sœur lui reprochait tant, s'obstinait à voir dans le donjon des missionnaires, combien malgré lui, les qualités réelles qu'il conservait, sa bonhomie et son obligeance, son courage devant les infirmités commençantes et la mort prochaine, la noblesse surtout de sa fidélité à la cause, aujourd'hui vaincue, qu'il avait servie tout jeune. Cette fois, elle fut trop vivement choquée pour ne pas le faire sentir à son interlocuteur qui en resta un peu penaud. « J'ai fait une gaffe, » dit-il, quand Madeleine l'eut quitté après s'être laissé reconduire comme la veille jusqu'au seuil de sa villa, sans plus lui répondre sinon par des monosyllabes. C'est prodigieux qu'une aussi jolie petite Ève n'ait pas la moindre envie du fruit défendu. Son mari est un brave homme et un bon médecin. Son diagnostic est de premier ordre. Tout de même, ce lourdeau d'hôpital à parier à cette fine parisienne, c'est un peu fort. Un percheron attelé avec une pouliche arabe. Ils ne sont vraiment pas du même pied. Et la pouliche ne rue pas dans les traits. Et la voiture conjugale roule sans verser. Tiens, la comparaison est drôle. Je la travaillerai. Il y a un mot là-dedans que je placerai. Un percheron, une pouliche, un carrossier et une cobesse, ce serait mieux. Cette métaphore irrévérencieuse attestait les goûts hippiques du baron. Il avait, dans ses beaux jours de grande piaffe, mangé une vingtaine de mille francs comme propriétaire d'un quart d'écurie de course. Elle lui revint le lendemain à revoir la jeune femme de son docteur, qualifiée si cavalièrement, imitant son genre d'esprit, à côté de son protégé Brissonnet, dans une circonstance qui aurait dû le rendre jaloux de l'officier. Mais le véritable vieux beau, le vieux beau bon teint, sans épigramme ni équivoque, n'est pas jaloux des succès des autres. Il est trop saturé de fatuité. Favel venait donc, après avoir couru vainement après Brissonnet toute la matinée, de le retrouver en train d'écouter la musique sous les arbres de la charmille aménagée au milieu du parc. Et, naturellement, il l'avait entraîné vers l'allée où Madame Liébeau s'installait le plus volontiers. Elle venait là, souvent, vers les 3 heures, avec sa petite fille. Assise sur une chaise à l'ombre des branches, elle travaillait indéfiniment à quelque ouvrage, avec cette patience qu'elle mettait à toute besogne. Cette rêveuse n'était jamais une oisive, elle ne lisait guère. Les chimères dont se nourrissait sa fantaisie lui faisaient, sans qu'elle s'en rendît compte, paraître prosaïques et froides les inventions des écrivains. Cet après-midi, elle avait emporté, pour occuper ses mains, des écheveaux d'une fine laine mêlée de brins de soie, destiné à se transformer en un souple mantelet pour Charlotte. Elle avait mis sa chaise sous un grand arbre où la brise éveillait un lent frémissement de feuilles, de quoi accompagner et bercer sa songerie. Sous son grand chapeau de légère mousseline pâlement rose, son souple corps pris dans une robe de batiste assortie, ses jolis doigts sortant des longues mitaines de dentelle sur lesquels transparaissait la chair délicate de l'avant-bras. C'était une apparition de jeunesse à la croire, la très grande sœur de la petite fille qui jouait près d'elle comme la veille, mais cette fois avec un cerceau. Un des ruisseaux épanchés de la montagne vers le Rhin contournait, à travers les soleils, l'espèce de quinconce que Madeleine avait choisi pour sa retraite. Comme le baron Favel et le commandant s'approchaient, Charlotte les aperçut, et dans une de ces crispations de mouvement que la timidité inflige aux enfants trop nerveux, elle donna un coup de baguette si maladroit que le cerceau roula dans la petite rivière. L'enfant jeta un léger cri qui fit se relever la tête de sa mère. La petite se tenait sur le bord de l'eau immobile, les bras pendants, consternée de voir le fragile objet emporté par le flot rapide. Le cerceau allait, allait, pliant encore les herbes déjà courbées par le courant, contournant les pierres autour desquelles cette eau écumait en blanche mousse, jusqu'à ce qu'il s'arrêta quelques secondes, retenu dans un petit coude que faisait le ruisselet. On voyait le bois mince émerger de l'eau et se mouvoir, tantôt projeté vers la terre, tantôt attiré vers la pointe de cette sorte de cap. Une poussée plus forte du courant, la pointe serait doublée et le cerceau emporté au loin. Tout à coup, Charlotte jeta un nouveau cri, de surprise cette fois et d'espérance. Brissonnet venait de franchir d'un bond cette largeur du ruisseau. Il était sur l'autre rive, marchant parmi les hautes herbes du palest d'un familier de la brousse. Il s'était penché en se suspendant tout entier d'un bras à une grosse branche d'arbre. De sa main libre, il avait saisi le cerceau, et déjà un autre bond l'avait ramené sur la rive où l'attendait la petite fille sur le bord de l'eau. Dans cette action si simple, mais qu'un gymnaste professionnel pouvait seul accomplir, il avait déployé une grâce dans la force qui contrastait singulièrement avec son apparence maladive et la structure de ses membres grêles sous la jaquette étriquée. L'explorateur avait reparu, et toutes les adresses physiques acquises par l'entraînement de plusieurs années de vie sauvage. C'est aussi la première idée qu'énonça Favel, qui avait rejoint Madame Liébeau pendant les 5 minutes qu'avait duré ce tour de force, et tandis que l'enfant accueillait la reprise de ce jouet perdu avec des exclamations de joie. « Il s'est cru de nouveau en Afrique, notre commandant, » fit-il. Si tous les soldats du colonel Marchand avaient cette agilité, je ne m'étonne plus de la route qu'ils ont parcourue. » Et tout de suite, continuant son métier de cornac avec cette vanité du reflet, de tous les snobismes le plus inoffensif, « Maintenant que vous êtes une paire d'amis, mademoiselle, » il s'adressait à Charlotte, revenue auprès d'eux, « demandez au commandant de vous raconter où il a appris à sauter ainsi. 2 mètres et quart. Mais oui, elle a bien 2 mètres et quart, cette rivière. Et... on franchirait d'autres distances quand il s'agit de mettre l'espace entre lion et soi. » « Un lion ?» demanda la fillette. « Vous avez rencontré un lion, monsieur ?»« J'en ai rencontré 100, » répondait Brissonnet, en riant malgré lui du regard stupéfié de la petite Parisienne. « 200. Mais monsieur Favel me fait trop d'honneur en m'attribuant une vitesse à la course capable d'échanger la poursuite d'un fauve. Je n'en ai jamais eu le besoin, d'ailleurs. Quand un homme rencontre un lion, mademoiselle... « Sachez-le, c'est toujours le lion qui commence par se sauver. Ça miaule très fort, ces grandes bêtes. Ce ne sont que d'énormes chats, voyez-vous. »« Demandez-lui donc alors d'où lui vient cette cicatrice, » reprit Favel. L'officier n'eut pas le temps de cacher sa main gauche qui montrait une longue trace pareille à celle d'une ancienne brûlure. « Allons, Brissonnet, racontez cette histoire sans fausse modestie, comme vous avez fait à l'un de nos dîners. Vous jugerez, mademoiselle. » Si les lions sont les gros chats inoffensifs dont ils parlent. Vous ne refuserez pas ce plaisir à Charlotte, monsieur, dit la mère en attirant contre elle sa fille rougissante de curiosité. Ces quelques propos avaient été échangés si rapidement que Madeleine se trouva avoir prononcé cette prière, de nouveau sans presque s'en être rendu compte. Favel avait familièrement placé une chaise à côté de sa chaise à elle. Il s'y était assis, pendant que Brissonnet restait debout. La phrase de Madame Liébeau équivalait à une autorisation de s'asseoir à son tour. Sur le visage de l'officier passa une contrariété. Les récits de ses propres aventures lui étaient toujours désagréables. À cette minute et dans la présence de cette femme qui avait fait sur lui une trop profonde impression depuis ses 48 heures, ce désagrément allait jusqu'à la souffrance. Il s'exécuta pourtant avec cette simplicité un peu fruste qui est souvent celle des gens de guerre. Elle a son charme puissant quand on la sent très vraie et non jouée. « Cette fois-là, dit-il, tout est arrivé par ma faute, ou plutôt, rectifia-t-il, par la faute du hasard. Voilà la chose. Nous étions en train, Saint-Quentin et moi, de procéder à une reconnaissance. Le chef ne nous avait pas caché qu'il redoutait beaucoup les parages où il nous envoyait, habités par des anthropophages. Mes hommes étaient braves, mais ce jour-là, le troisième depuis que nous avions quitté le camp, je les sentais flotter. Pourquoi ? Ces paniques latentes ne s'expliquent pas. Il faisait une chaleur terrible. Nous venions de marcher ces 48 heures le long d'un lac vaste comme une mer, sans rencontrer un être vivant, sous d'énormes arbres. Nous allions, en boitant le pas l'un à l'autre, en file indienne et moi le dernier. À un moment, la file entière s'arrête. Je cours en avant pour savoir la cause de cette soudaine immobilité et je vois, à 50 mètres, un lion debout, énorme, qui nous regardait. Je fais signe à mes hommes de ne pas bouger. Le plus tranquillement que je peux, je prends mon fusil, je l'arme et je mets le genou en terre pour ajuster la bête. Je commandais. C'était à moi de donner l'exemple du sang-froid. Le lion me regardait avec étonnement, en se fouettant les flancs avec la queue. Je lâche mon coup. Je me croyais très sûr de ma balle. Je l'avais seulement blessé, et d'une blessure légère qui n'intéressait aucun muscle, car il commença à marcher sur moi en pâteau très lourdement. Ils n'ont de légèreté que lorsqu'ils bondissent. J'avais une seconde balle à tirer. Je ne voulais la placer qu'à coup sûr, j'attendais donc. Et voilà que tout d'un coup une pétarade éclate à mes côtés, au-dessus de moi, autour de ma tête. C'étaient mes hommes qui, sans ordre, fusillaient le lion, et qu'il manquait. La bête s'arrête comme stupéfaite, et se ramassant, elle bondit. Quand j'ai vu en l'air ce grand ventre blanc, j'ai bien cru que c'était fini, je tire quand même, et cette fois, je traverse le cœur. Mais l'élan du lion était pris, et il me serait tombé dessus si je n'avais fait un écart qui ne l'a pas empêché de m'emporter le bras à moitié dans son agonie. « Voilà toutes mes chasses au lion, mademoiselle, » conclut-il. « Et je n'ai même pas la peau de celui-là. Nous étions pressés, n'avions que trop de bagages, nous l'avons abandonné. » L'existence d'Europe doit vous paraître bien monotone, par contraste avec des sensations pareilles, dit Madame Liébeau après un silence. « Quelquefois, » répondit-il. Mais ce ne sont pas les dangers qui rendent les expéditions comme celle-là inoubliables. Ce sont des impressions de libre nature, comme on n'en retrouve plus dans nos vieux pays trop civilisés. Puisque nous en sommes sur le chapitre des lions, permettez-moi de vous raconter un autre épisode, moins tragique, mais plus significatif. Il m'est arrivé une nuit au camp d'être réveillé par un bruit singulier. Je regarde à travers un des interstices de la toile et je vois, dans la clairière où nous avions dressé nos tentes, un lion, sa lionne, et deux lionceaux qui passaient. La lune inondait le camp d'une lumière aussi distincte que celle du jour. Le mâle était visiblement inquiet. Il considérait ses cônes blancs placés de distance en distance et s'arrêtait à chaque minute en reniflant. La femelle, indifférente à tout excepté à ses petits, les exerçait à marcher. Les lionceaux faisaient 5 pas, 6, 7, gauchement, sur leurs grosses pattes, puis ils roulaient. La mère, couchée sur le dos, jouait alors avec eux. Elle les forçait à se redresser de nouveau. Les 6 ou 7 pas de marche recommençaient, et la chute, et les jeux. Cette étrange famille mit au moins 1 heure à traverser l'espace illuminé par la lune et à disparaître dans la forêt. Je n'eus pas une seconde l'impression du péril, mais que j'assistais à une merveilleuse scène de la vie primitive. Cette visite de ces 4 lions la nuit, ça a été une fête. Un spectacle comme je n'en avais jamais vu dans les plus célèbres théâtres. Monsieur le baron, vous me trouvez bien naïf, n'est-ce pas ? Favel s'était mis à rire, en effet, sur ces derniers mots. L'explorateur ajouta, prenant cette expression presque enfantinement effarouchée qu'il avait quelquefois. J'aurais dû me défier. Entre un Parisien comme vous et un Africain, la partie n'est pas égale. Vous vous moquez de moi, avouez-le. Pas le moins du monde, dit vivement Favel. Mais quand vous avez prononcé le mot de théâtre, j'ai pensé qu'il n'y avait pas besoin d'aller si loin pour jouir d'un spectacle comme celui que vous décrivez si joliment. Votre famille de lions, je l'ai vue, moi, qui ne quitte pas souvent les Champs-Élysées, au cirque d'été, ce charmant cirque d'été que ces brigands ont démoli. Ces brigands, on le devine, c'était pour le fidèle du Second Empire tous les gouvernants, sans aucune exception depuis la honteuse journée du 4 septembre. Il fallait l'entendre prononcer ces mots, le cirque d'été, pour comprendre ce que lui avait représenté pendant des années, à lui comme aux élégants de sa génération, ces samedis de mai et de juin où tout le Paris qui s'amuse se donnait rendez-vous autour de la piste, solennel royaume du solennel monsieur Loyal. Oui, continua-t-il, je ne sais plus à quelle époque on avait installé une grande cage au milieu de l'arène. On y montrait un lion et une lionne qui venaient de mettre bas, avec deux petits. On faisait tout à coup la nuit et l'on baignait d'électricité les quatre bêtes. Les deux lionceaux et la mère jouaient sous ce faux clair de lune tout comme les vôtres, tandis que le père allait et venait comme votre lion. On les avait dressés à cela. Ce rapprochement d'idées m'est venu et j'ai souri. Moralité, comme pour les fables, puisqu'il s'agit d'animaux, les Africains deviennent très vite bien parisiens. Un peu de dressage y suffit. C'était l'histoire de ces lions Brissonnet. Ça sera la vôtre. À la façon dont vous comptez, ça l'est déjà. Celui que l'officier, peu au courant des usages, appelait plébéiennement monsieur le baron, s'était cru très aimable en exprimant ce compliment au narrateur. Il ne se doutait pas qu'il touchait, par cette comparaison avec des lions domestiques, la place la plus malade de cette sensibilité. Une ombre passa dans les yeux profonds du soldat, qui avait contemplé tant de scènes tragiques ou sauvages, toutes grandioses. Avoir rêvé, avoir vécu une épopée héroïque, et que plusieurs années d'un sacrifice sublime et renouvelé toutes les heures, aboutissent à une figuration comme celle de l'entrée à Paris de Marchand et de ses camarades, puis à une curiosité autour d'un nom. C'était la mélancolie qui rongeait Brissonnet depuis son retour, l'évocation par Favel de ces lions, pareils à ceux qu'il avait rencontrés dans le désert et devenus des numéros dans un programme de cirque, était le symbole trop saisissant de sa destinée. Il y eut un silence que le vieux beau, ravi de son anecdote à lui, n'interpréta pas dans sa vérité. Madeleine, avec son tact de femme, devina quelle impression avait passé sur le cœur ulcéré du jeune homme, et comme d'un geste instinctif, elle voulut panser cette plaie soudain rouverte. Je ne sens pas du tout comme vous, fit-elle en s'adressant à Favel. Je n'ai jamais pu supporter de regarder un fauve dans une cage, il souffre trop. Je serais sorti du cirque plutôt que d'assister à cette parodie. Ces jeux de cette lionnée et de ces lionceaux à seule fin de divertir ce public blasé, avec cette perspective pour ces pauvres bêtes qui ont tant besoin d'espace, de finir poitrinaire entre des barreaux. Au lieu qu'en écoutant M. Brissonnet, je voyais cette clairière, cette forêt, ce clair de lune, ces admirables animaux et je l'enviais. Je lui étais reconnaissante surtout, continua-t-elle en attirant son enfant à elle, de prendre tant de peine pour Charlotte. Allons, acheva-t-elle en s'adressant à celle-ci, dis merci à monsieur le commandant Brissonnet pour la belle histoire. Merci, monsieur, répéta la petite fille, puis, avançant son fin visage et câline, vous n'en savez pas d'autre, monsieur. Toute la femme est là, dit Favel en esquissant un bravo avec des mains. Quand Ève, dans le jardin, eut pris la pomme que lui présentait le serpent, elle a dû lui demander aussi « Où est l'autre ?»« C'est une petite indiscrète, » interrompit la mère, « et vous allez finir de me la gâter si vous avez l'air de trouver cela naturel. » Son geste démentait la sévérité de son langage, car il flattait la joue de la petite fille qui s'était tapie contre elle pour se faire pardonner la tête sur ses genoux. Puis, revenant à son projet, pour justifier de réchef à ses propres yeux l'intimité trop grande de cet entretien, elle ajouta « Quel dommage que ma sœur soit partie avant-hier. Elle qui s'intéresse tant au récit de voyage, elle se serait beaucoup plus à causer avec le commandant. » Elle observait ce dernier du coin de l'œil en prononçant ces mots. Il lui sembla qu'à cette mention de la voyageuse, il avait tressailli légèrement. Si pourtant elle lui avait déjà fait une impression, cette petite phrase se prononça en elle distinctement. Et fut la cause que, s'étant levée pour continuer seule sa promenade avec sa fille, elle laissa Favel et Brissonnet l'accompagner sans plus de remords, inavoué ou non. S'il était vrai que le souvenir d'Agathe aperçu quelques instants à la portière d'un wagon resta si vif dans la mémoire de l'officier, la moitié du travail était faite. Les 8 jours qu'elle avait à passer au zoo avec le jeune homme suffiraient à parachever le reste.